Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, gros spécial, presque complètement francophone. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en français pour vous. On va entendre entre autres Charles de Gaulle, et aussi Rémi et les Chits, Arthur H avec L'Homme du Monde, Wanani, Votre Ethnique, Kevin Thompson, nouvel album des Pistolets Roses, pas certain, Jenny Ferrand avec la femme orchestre. Mais on commence avec Prototype. Leur nouvel album s'appelle Synthétique. On les aime beaucoup, assez fou. Ils ont eu quelques succès, quand même assez longs. Pour certains succès, d'autres beaucoup plus courts. Disons qu'on croyait que c'était un One It Wonder. Les voici donc avec leur nouvel album Synthétique et la pièce titre tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm. Poste d'écoute. Encore au naturel, au réveil, elle prend la tangente et tombe en pamoison devant un parterre de tulipes en papier qui lui rappelle que ses yeux ont rendez-vous avec un spécialiste, le meilleur de la région, conseillé par son amie Annie qui elle aussi a eu du souci en son temps.

Apparemment, ça va rentrer dans les palmarès de C'est Fou la semaine prochaine, donc soyez là pour ça. Prototype, un groupe d'électropop Electronica de Paris en France. L'album est sorti fin mai en France. Je regarde la pochette très très années 80 avec des couleurs très très rose, bleu et rouge, écrit de façon électronique un peu partout. Ça fait ordinateur, j'aime bien ça. Autre que ça, ben, il y a une petite biographie sur leur MySpace au myspace.com/prototype au pluriel. Prototype est un groupe français localisé à Paris, créé depuis 2003. Donc, il se crée encore et encore depuis 2003. Par les deux membres de Bosco, c'est-à-dire S. Baudin et F. Marché, et la chanteuse-performeuse Bubble Star ou I. Ledoussal. Prototype produit une musique vivante et assez hybride avec des morceaux à dominante rock chantés en français, mélangeant les influences multiples du groupe autant par des sonorités électropop que des rythmes 60s ou encore des guitares folk, voire parfois plus punk. MySpace.com/prototype ou encore prototypeonline.com. Leur nouvel album s'appelle Synthétique. Maintenant, on passe à un groupe canadien qui s'appelle The Orchid Highway. The Orchid Highway, c'est leur premier album produit par Stephen Drake, qu'on connaît de Odds 5440, qui est du psychédélique, apparemment, qui rappelle le pop du milieu des années 60. L'album est sorti depuis le 10 juin, et voici à l'instant même Sofa Surfer Girl dans le poste d'écoute au 89.1 FM. She hitched a ride up from Frisco. I picked her up on highway number one west. She said, I'm not one to move slow. And I laughed as she began to undress. Oh, she's drifting through this world. My sofa surfer girl. Sofa surfer girl. Do you need somewhere to crash tonight? Well, if you're asking, it's alright. Sofa surfer. Since I saw her, I hear she's somewhere down the Mexican coast. In the summertime, my mind tends to wander, and it's on days like this I think of her most. Oh, she's drifting through my world. My sofa surfer girl. Surfer girl, do you need somewhere to crash tonight? Well, if you're Le poste d'écoute. Climbing up the medicine tree, looking through the branches to see you. Sorry, I can never take it this way. Wondering what you need me to say. So surprised. La formation canadienne The Horky Highway. On a entendu trois pièces. Celle-là s'appelle Let's Stay In Instead. Avant, c'était Medicine Tree. Et on a commencé avec Sofa Surfer Girl. The Horky Highway, une formation d'indie power pop rock de Vancouver au Canada. Moi, j'ai vraiment particulièrement aimé ça. C'est leur premier album. C'est un album éponyme produit par Stephen Drake qui travaille avec Odds 5440. C'est du psychédélique pop du milieu des années 60. L'album sort le 10 juin. Sur leur MySpace, au myspace.com/Horky Highway, vous pouvez entendre plusieurs pièces, les trois premières qu'on a entendues tantôt, et puis Next World. Il y a aussi une petite biographie qui dit que c'est un groupe qui existe depuis très longtemps à Vancouver. Voilà. OrchidHighway.com est leur site web officiel. On continue avec du francophone. Le prochain album vient de Charles de Gaulle, G-O-A-L. Et sur l'album, c'est Restructuration. Très drôle pochette rouge avec des mots brisés. Ça fait Charivari un petit peu ou n'importe quel autre jeu où on doit remettre les syllabes dans l'ordre. Donc, par exemple, le titre de la première pièce, c'est écrit Régu. Laris, Isme et Oua. Donc, régularisez-moi. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, on va entendre Passion Éternité. Ensuite, Chaque Mois. Et puis, la quatrième, Procession. Ça se passe tout de suite dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous au 89.1 FM partout en Mauricie et partout dans le monde sur le cfou.ca. C'est fou, ça. Dans vos oreilles. Dans régularisez-moi. Vos oreilles. Vos oreilles. Régularisez-moi. À angle droit. Gommez mes aspérités, fondez mon identité, formatez, définissez, balisez, structurez. Régularisez-moi, régularisez-moi, à angle droit. Une erreur d'ADN, une faille dans la chaîne. On choisit pas sa famille, on choisit pas son pays, on choisit pas sa famille, on choisit pas! We'll be right back. De Gaulle, avec la pièce Procession, précédée de Choque-moi, de Passion Éternité, de Régularisez-moi, ses quatre premières pièces de son nouvel album Restructuration, ici dans le poste d'écoute. Lisons un petit peu sa biographie. Charles de Gaulle, écrit G-O-A-L. En 1980, Charles de Gaulle, projet solitaire de Patrick Blain, sort un premier album, Algorithme, sur le label New Rose. Le croisement entre punk et cold wave, froideur et colère, n'est pas très éloigné de ce qu'a fait Wire en Grande-Bretagne, et le succès est au rendez-vous. Vendu à 15 000 exemplaires, l'album est considéré aujourd'hui comme un disque culte par bien des groupes et pas seulement en France. Dans la même veine, sort en 1982 Ici l'ombre, tout aussi réussi que son prédécesseur. Toujours beau les documents de presse. Puis Charles de Gaulle évolue. Sa musique se teinte de pop et 3 paraît en 84. C'est un album bien plus accessible qui bénéficie de nombreux passages radio en France. En 86 sort le dernier album studio Double Face qui offre à Charles de Gaulle l'occasion de passages télé. Ce sera le dernier album studio de Charles de Gaulle qui décide d'arrêter là sous ce nom. Suivront les compilations Commémoration en 89 et État général en 97. La réédition d'Algorithme remasterisée par Garage Records et la rencontre avec AE, ancien membre du groupe français culte des années 80, End of Data, va marquer une nouvelle étape. Un concert de rematérialisation de Charles de Gaulle qui doit être unique est organisé à la Flèche d'Or à Paris en mars 2006. Le concert est un gros succès. Charles de Gaulle a enfin trouvé la formation scénique dont il rêvait. Les demandes se faisant nombreuses et le public à chaque fois très enthousiaste. Les concerts s'enchaînent à travers l'Europe. Berlin, Munich, Prague, Amsterdam, Bruxelles, Turin. Et c'est donc tout naturellement que de nouveaux morceaux sont créés par ce qui est devenu un véritable groupe et non plus le projet d'un seul homme. Le résultat est là aujourd'hui et il prend la forme d'un nouvel album studio, le premier depuis 22 ans, Restructuration. Charles de Gaulle aurait pu se contenter dans un contexte de revival des années 80 de reprendre une recette à succès par facilité en refaisant un algorithme bis. Sans renier ses racines, ce disque se veut plus radical, reflétant la rage nouvelle qui anime Charles de Gaulle en live. Radicalité également dans les textes, qui évoquent la question essentielle de l'identité et dans la conception graphique de la pochette allant jusqu'à la déstructuration même du langage, des mots et de l'écriture. Voilà pour Charles de Gaulle. On enchaîne avec My Morning Jacket. Voici Evil Urges dans le poste. D'écoute. Au 89.1 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back. Le poste d'écoute. Highly suspicious of you. I'm highly suspicious. Avec leur nouvel album Evil Urges. Ça, c'était la pièce Highly Suspicious, précédée de Touch Me, I'm Going to Scream Part 1. Et au début, c'était Evil Urges. L'album sort le 10 juin, donc c'est déjà fait. C'est un groupe de Louisville, au Kentucky, c'était aux États-Unis. Un groupe de rock acoustique indie. Vous pouvez les retrouver sur mymorningjacket.com ou myspace.com/mymorningjacket. Les membres sont Jim James à la voix et la guitare, Two-Tone Tommy à la basse, Carl Brummel à la guitare, Beau Coaster au clavier et Patrick Allahan à la batterie. Ils sont en spectacle le 17 juin à 20h au National de Montréal. Si vous voulez aller les voir, 17 juin à 20h au National. Ils ont déjà un spectacle de prévu à New York là, qui est déjà sold out. C'est le 20 juin. Donc ça poigne quand même pas mal pour My Morning Jacket. Voilà donc pour eux leur nouvel album est éponyme. C'est vrai. C'est bien éponyme. Non, c'est Evil Urges. Je l'ai dit tantôt. Evil Urges. C'est pas n'importe quoi, Mathieu Plante. De la radio. Alors, on va finir cette première heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous, avec Clinton St. John. Son nouvel album s'appelle Black Forest Levitation. C'est un groupe de indie rock acoustique qui vient d'Alberta. C'est ça? D'Alberta. Tout de suite, les voici avec Building Their Nest. Je sais pas si c'est un ghost ou un groupe. On sait pas d'avance ce qu'on fait jouer à cette émission-là. C'est ça qui est le fun. On fait n'importe quoi. There's no cars tonight. There's 1,000 flags. They are fast asleep. Cause there's no wind tonight. The swallows build their humble nest. It's follow me, then follow me. A sparing rain is coming down onto this little neon town. Believe. The signs say tonight. There's 1,000 flags. They are fast asleep. Cause there's no wind tonight. The less you know, the less they take. The waiting, clutching hounds of fate. It's been this way since they began. The only things to change are the height of the weeds and the ghosts at their feet. There's no cars tonight. There's 1,000 flags. Clinton St. John, avec une pièce qui s'appelle Building Their Nests de son nouvel album Black Forest Levitation. C'est l'auteur et vocaliste principal de la formation de Cape May. Clinton St. John a fait des tournées en Amérique du Nord et en Europe. Il est auteur prolifique, artiste visuel, et son nouvel album met en vedette sa voix qui est supposément hante sa voix. Et c'est une histoire riche. Il a déjà été membre du backing band de Nina Nastasia. Et ça nous précise sur l'album que toutes les pièces sont propres. Il n'y a pas de jurons dans cet album de Clinton St. John. Voilà, musique très relaxe. Son nouvel album, c'est Black Forest Levitation. J'ai pas vraiment réussi à trouver de site web tant que ça. Plusieurs articles sur lui, mais pas vraiment de site web. Clinton St. John, Black Forest Levitation. Dans cette première heure, on a entendu le nouvel album de Prototype, Synthétique. Sortiront-ils de leur sort, comme on dit, du One It Wonder? Ensuite, on a entendu The Orchid Highway avec leur album éponyme, un petit peu de musique à 60s. Charles de Gaulle nous a envoyé Restructuration. C'était bien, mais c'était élevé un peu, mais ça bougeait, c'était bon. My Morning Jacket, qu'on a entendu il y a quelques minutes avec leur album Evil Urges. Et finalement, Clinton St. John avec Black Forest Levitation. Dans la deuxième heure, comme promis un petit peu plus tôt à l'émission, ça va être complètement francophone, mur à mur franco. Dans la deuxième heure, on va entendre « On a créé un monstre », Jenny Ferrand avec la femme orchestre, les Pistolets Roses, Kevin Thompson, Wanani avec Vote Ethnique et Rémi et les Salauds avec Cadillac Blues. Ça va être une grosse deuxième heure du poste d'écoute. On découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. On ne sait pas ce qui s'en vient, alors restez avec nous et on se quitte avec une deuxième pièce de Clinton St. John. Voici Inland Clocks au 89.1 FM dans vos oreilles. In my blood, the sea was singing soft for everyone. Now I hear your voice so clear, I hear your voice so sharp. I wonder where you are inside of everything. I still hear your feet clicking in the hall. A fallen glass is a good reminder. Wholeheartedly I've listened for your footsteps from my room. The clock makes its mechanical sound, and every hour the chimes they pound and they melt away. So it's just me where I lay, reminded that the trick of time will soon change everything for everyone. Hard to see you weak. I couldn't help you though I tried. I came to you in hopes of slowing down the time. But there's never much to say to the pictures on the wall. The paint is quick to dry like anything. Now I hear your voice so clear. It's ringing in my blood. I wonder where you are outside this dark and dusty hall. I still hear your feet clicking in the hall. A falling glass is a good reminder. Wholeheartedly I've listened for your footsteps from my room. The clock makes its mechanical sound, and every hour the chimes they pound and they melt away. So it's just me where I lay, reminded that the trick of time will soon change everything for everyone. C'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Qui d'autre pour animer une émission assez fou? Dans cette deuxième heure, que du francophone. Oui, je l'ai promis, promesse tenue, dites et faites, et Pierre qui roule la masse pamousse, comme on dit. On commence avec Rémi et les salauds, et là, sur la pochette, c'est écrit Rémi et les S éclairs, petit rond, tête de mort, étoile pour l'exclamation S. Moi, je me dis, salaud, c'est pas un sac, c'est pas un juron, c'est pas sale. Donc, je vais les appeler Rémi et les shit. Ça va être beaucoup plus vulgaire. Ça va mériter des symboles. L'album s'appelle Cadillac Blues et les voici tout de suite avec la pièce titre Cadillac Blues dans le poste d'écoute 89.1 FM. Un météore, glamour en dedans comme en dehors, confort sur l'autoroute du Nord. Mon père voulait un Cadillac, il a passé sa vie en Pontiac. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, pour moi le showbiz c'est la mort. Je me contenterai de jouer de la guitare et de faire confiance au hasard. J'lève mon verre aux paranoïaques, aux éclopés, aux insomniaques. J'aimerais beau, j'aimerais fin, comme un star académicien. Faire la une de tous les journaux, être VIP au casino. Y a plus de fumier que de cochon, un 800 SOS Nation. J'ai peut-être tort, la vie c'est comme un météore. Glamour en dedans comme en dehors, confort sur l'autoroute du Nord. Mon père voulait un Cadillac, passé sa vie en Pontiac. Le poste d'écoute. Savoir où elle nous mène. Une douce nuit de juin, fais-tu pleurer, Germaine? Un long voyage, une quête infinie. Les enfants sages se couchent toujours avant minuit. Loin des habitudes climatisées, loin des remords, les amours d'été reviennent hanter le Labrador. Et ton visage s'illumine quand il sourit. Le bonheur s'engage et Caetano chante la vie. Tu t'endors en plein milieu de nulle part. Loin derrière tes angoisses mauvais noires, droit devant les étoiles, le hasard. La terre doit être si belle vue d'en haut. Qui s'appelle Rémi et les Salauds et que j'ai rebaptisé à cause de leur logo Rémi et les Chites. C'était plutôt relax comme musique, mais c'était bien. Cadillac Blues est le nom de l'album. On a entendu les pièces Vu d'en haut, précédé de quoi parle-t-il et de Cadillac Blues. Donc, Rémi et les Salauds. Depuis déjà 3 ans, Rémi Cazet, auteur, compositeur, chanteur et membre fondateur du défunt groupe Les Parfaits Salauds, confinait un album solo. Il était attendu depuis ce moment qu'il lancerait l'album sous le sobriquet de Rémi Salauds, en hommage à un joueur de hockey et à son héritage musical. Puis, pour bien signaler qu'il ne s'agissait pas d'un retour du groupe qu'il dirigeait de 85 à 98. Quand est venu le temps de commercialiser son nouvel album solo, sur lequel participent quelques anciens membres des Parfaits Salauds, une décision a été prise de l'appeler Rémi et les Salauds, car au même moment sortait sur le marché la compilation des meilleurs succès des Parfaits Salauds, les Plus Salauds, et des spectacles où Rémi serait accompagné d'anciens membres des Parfaits Salauds. Pour ne rien confondre, une seule identité était attachée au nouvel album et au spectacle Rémi et les Salauds. Qu'on ait appelé la nouvelle identité les Saligots, les Snoros ou bien encore les Salopards, tous dans les médias et chez le public, tous savent très bien que l'on parle ici de certains anciens membres des Parfaits Salauds. Bon, pour quelque chose d'aussi simple, ils ont un long texte compliqué avec des phrases qui tournent n'importe comment, mais bon. Rémi ne pouvait quand même pas lancer un nouvel album intitulé « Rémi et hommage aux Parfaits Salauds ». Rémi et les Salauds seront en spectacle partout au Québec cet été et à l'automne. Pas de site web que je vois pour Rémi et les salauds, malheureusement, mais vous pouvez quand même aller voir le unechance.com pour retrouver tous les détails des artistes d'aujourd'hui. Rémi et les salauds, leur album s'appelle Cadillac Blues. On reste dans le francophone dans cette deuxième heure 100% francophone du poste d'écoute. On continue avec l'artiste Kevin Thompson. Son nouvel album est éponyme et à l'instant, voici Névrose. Au poste d'écoute. Voilà, je sais pas par quoi commencer. Je me sens pas bien, je réalise qu'on veut me dicter ce que je dois faire. On fait veut pas que je m'envole alors qu'on coupe les ailes. Toutes les questions que je me pose s'opposent en prose. Personne ne veut y répondre ou on me dit que je m'en fais pour rien. On ne veut pas que je pense alors qu'on me coupe la tête. Je n'ai pas halluciné sur la LSD, ni même souhaité que les mensonges font de la réalité. Des histoires qu'on m'a racontées, qu'on raconte. Des blas, des blas, blas, blas. Histoire historique où l'on m'implique. Religion, injustice raciale. Riches et pauvres se côtoient en deux mondes parallèles distincts. Où l'un est dépourvu de bonheur et l'autre regorge de luxe. Je sais, t'es en pleine névrose. Mes pensées m'imposent un paradoxe qui ne se termine plus. Je n'y comprends rien. Je n'y comprends. J'y pense, finalement faudrait changer. Présent conjugué ou passé qui fait railler toutes sortes de conneries. Par exemple, Mohamed, Maurice, Jesus. Ouais, ben, dans son petit toast, une histoire de gaucho. Une king canadienne nordique. Quand Stachny nous avait éliminé, puis moi tout ce temps-là, je pensais que j'étais squid. Poste d'écoute. baiser dans de l'aide en avant. Ça, c'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, il y a même petit gars qui était hier. C'est juste que là, il y en a plus là. À 7 ans, il disait qu'une fille savait pas rapport. Sans savoir que plus tard, on pourrait y apprendre à jouer de la guitare. Aujourd'hui, il y a le même petit gars qui était hier. C'est juste que là, il y en a plus l'air. Son premier French, il jouait à bouteille. C'est là qu'il a su qu'on pouvait voler, qu'une femme pouvait donner. Des ailes. Kevin Thompson avec la pièce Pas de dents en avant, précédée de Que dois-je faire et de Névrose, les trois premières pièces de son premier album. Kevin Thompson, après avoir remporté le prix Innovation Télé-Québec au Festival de la chanson de Petite-Vallée pour la production d'un vidéoclip et s'être fait remarquer sur les scènes du Québec comme guitariste de Morant, Kevin Thompson lance enfin son premier disque, dit son document de presse. L'album éponyme, qui sera sur les tablettes dès le 10 juin, propose 11 chansons aux mélodies recherchées, rythmées et hyper accrocheuses qui accompagnent des textes habilement ficelés, réalistes et près des gens. Un lancement avec prestations ouvertes au public, blablabla. Inspiré tant par Johnny Cash que U2 et Daniel Lanois, le Montréalais natif de Baie-Comeau s'est entouré de musiciens aux influences diverses, jazz, électro-funk, ce qui n'est certainement inhérent à la richesse musicale de l'album. D'accord. Muni d'un timbre de voix particulier, Kevin Thompson s'inspire du quotidien et livre sur ce premier essai une prose lucide et sensible. Le premier extrait de l'album, Pas d'or d'en avant, annonce un style alliant un côté planant et des riffs de guitare accrocheurs. En rotation sur les radios depuis quelques semaines, la pièce s'immisce subtilement dans nos têtes en même temps qu'il se ferait un chemin dans le palmarès BDS francophone. Donc, la pièce, il se ferait. En tout cas, bon, kevinthompson.ca ou myspace.com, Kev Thompson. C'est pas une critique de la façon que le texte est écrit, quand même. Voilà, Kevin Thompson, son album est éponyme. On reste dans le francophone pour cette deuxième heure 100% franco du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et on continue avec un groupe que vous connaissez, et dépendant de qui vous êtes et de quel genre de musique vous aimez, c'est donc un groupe que vous aimez ou que vous aimez pas. Hein? Quand même. Ça veut rien dire comme phrase, mais bon. Les Pistolets Roses, c'est le nom de la formation. C'est aussi le nom de l'album. Oui, voici On joue à la guerre. Dans le poste d'écoute au 89 FM, c'est fou.ca, unechance.com. On n'a pas tous la même chance. Jusqu'à se perdre Les Pistolets Roses. Dans le poste d'écoute avec la pièce Les Jolies Poupées, précédée de Monde de Fou et de On joue à la guerre. C'est le 10 juin, donc les fans des Pistolets Roses ont pu mettre la main sur le troisième album du groupe. Pour l'occasion, vous trouverez ce troisième opus, accompagné de leur biographie, c'est pour moi ça, c'est ce que j'ai entre les mains. Pour ce troisième album, les Pistolets Roses souhaitaient apporter un changement radical à leur style musical et c'est avec plaisir qu'ils ont accueilli l'arrivée de leur nouveau réalisateur, Pierre Rémillard, qui travaille avec les Vulgaires Machins, Dumas, Ryan Moffat, etc. Soulignons également la collaboration de leur ancien guitariste Guillaume Doiron, lui qui travaille également avec Richard Séguin et André Waters. Dès la sortie de l'album, l'horaire du groupe sera inévitablement très chargé, eux qui participeront d'abord à la tournée New Rock et poursuivront avec leur propre tournée à travers les régions du Québec. Si vous voulez plus d'informations sur les Pistolets Roses et leur album éponyme, allez voir le www.lespistoletsroses.com, lespistoletsroses.com. On continue le francophone parce qu'on est dans un gros spécial presque complètement 100% francophone. Presque complètement 100%, ça se dit pas vraiment, mais bon. Jenny Ferrand est la prochaine artiste. Son album s'appelle La Femme Orchestre. On a reçu seulement un extrait. Donc, c'est un sample. Et voici à l'instant même, Pickpocket dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Au 89.fm. Avec Pickpocket ici dans le poste d'écoute au 89.fm, une autre nouveauté musicale qu'on a reçue pendant la semaine qui vient de se terminer. Jennifer Rond, grande finaliste, auteure, compositrice, interprète au Festival en chanson de Petite Vallée en 2005 et prix Étoile Galaxie de Radio-Canada en 2006, vous présente Pickpocket, le premier extrait de son tout récent album La Femme Orchestre, qu'on n'a pas encore reçu assez fou apparemment. Jenny raconte de sa plume romantico-dramatique les tourments d'un pickpocket, voleur des temps actuels qui s'en prend aux gens aisés, un pickpocket qui n'éprouve aucun remords à dépouiller le voisinage de sa richesse matérielle. Ce texte original et harmonieux est superbement appuyé par une musique à l'ambiance atmosphérique d'inspiration folk-rock électro que le réalisateur et arrangeur Alexandre Larose a su créer, dit son document de presse. En spectacle, on va pouvoir la retrouver sur la rue Saint-Jean le 14 juin. Demain, samedi, c'est du Victoire Direct. Ça, c'est à Québec, rue Saint-Jean, 20h. Ensuite, elle sera le 31 juillet au Théâtre Granada de Sherbrooke, le 1er août à l'International de musique folk de Québec et le 2 août aux Haricots de Saint-Hyacinthe. Si vous voulez plus d'informations sur elle et pour savoir quelles sont ses autres dates de spectacle, allez voir le jenniferrand.com, J-E-N-N-I, Ferrand, F-E-R-A-N-D.com. Ou encore passer par le site de l'émission, là, toujours très intéressant et pratique, www.unechance.com. www.unechance.com, une chance qu'on a, unechance.com. On termine cette deuxième heure du poste d'écoute, ici, vous et moi, entre amis, là, avec... on a créé un monstre qui nous a envoyé un hippie, un maxi, un CD de seulement 3 pièces. Donc, on a créé un monstre, c'est le nom de la formation. Les pièces qu'on va entendre, c'est Pow Pow le loup, suivi de l'Iceberg, mais on commence avec Dorval. Tout de suite, dans le poste d'écoute. L'aéroport répondait de gens embarrassés, comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres, et si je savais dire les bons mots au bon moment. Bye. Le poste d'écoute. Je ne peux tolérer. La formation, on a créé un monstre dans le poste d'écoute. Ça, c'est la pièce Pow Pow le loup. C'était précédé de Dorval. Ça vient de leur maxi de trois pièces. On va terminer avec la pièce L'Iceberg dans à peine quelques secondes. Mais avant, parlons un petit peu d'On a créé un monstre. Tantôt énergique et agité, tantôt retenu et dépouillé, le trio pop-rock présente trois premières pièces par Pow Pow le loup, L'Iceberg et Dorval. Composé de François Larivière à la guitare, aux voix et au piano, de Félix-Antoine Vien à la basse et de Ghislain Lavallée à la batterie, OACUM est un ensemble aux ambiances planantes, aux accents punk et au développement progressif. Avant tout, c'est la mélodie qui caractérise la musique du trio Sorello montréalais. Certains y verront des influences de Weezer, d'autres des inspirations de Death Cab for Cutie. Ce qui est certain, c'est que OACUM joue davantage dans l'intuitif que dans le structuré. On a créé un monstre. A pris son temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus de deux ans après les premières ébauches, le trio se lance finalement dans la mêlée. Par ces trois pièces, le groupe révèle les différentes facettes de son jeu, passant des rythmiques dynamiques de Pow Pow le loup aux airs minimalistes de L'Iceberg. En spectacle, le trio vous présente près d'une dizaine de morceaux. L'enregistrement d'un album est-il dans les plans de la formation? Ils disent qu'ils vont prendre leur temps sur scène, faire découvrir le matériel et ensuite on verra. Voilà. MySpace.com, Barbic, on a créé un monstre. Ils vont être en spectacle le 14 juin à 21h au Pub O'Callaghan avec Mille Monarques à Sorel. Et puis le 24 juillet à 21h30 au Zoo Bizarre avec Polype. Ça, c'est à Montréal. Allez les voir au MySpace.com, Barbic, on a créé un monstre. Dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute, on va entendre entre autres Arthur H et Wanani dans la fin de notre spécial francophone. Ensuite, on retournera un petit peu à l'anglophone. Restez avec nous, le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Continue dans deux minutes au 89.1 FM. Solide, mon cœur est toujours. Troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous, toujours en direct les vendredis matins de 10h à 13h. Petit message spécial concernant la programmation cette semaine, pas de rediffusion le samedi, mais on va être là le lundi de 17h à 20h, donc lundi 16 juin de 17h à 20h. Normalement, on est le samedi à partir de 13h. Dans cette troisième heure, bon, on continue notre spécial francophone avec Wannani et Arthur H. C'est Arthur H. qui va ouvrir cette troisième heure. Plus tard, on va entendre des artistes anglophones. J'ai sous la main ici... du jazz, du Rob Dickinson, Fresh Wine for the Horses. Hein, ça va être pas mal bon. Mais avant, Arthur Higelin et son nom. Et tout de suite, voici son nouvel album, L'Homme du Monde et la pièce L'Abondance dans le poste d'écoute au 89.1. FM www.cifou.ca. Tapez ça sur votre clavier juste pour voir cifou.ca pour écouteur direct. Unechance.com pour les liens de l'émission et la balado diffusion. Unechance.com. Facile à retenir, là. Oh, j'aime ça de même. Plus de milliards pour les Golden Boys. Milliards de cœurs solitaires dans le rock'n'roll. Milliards de galaxies pour le SDF la nuit. Milliards de milliardaires pour nous dans l'atmosphère. Ouais, c'est l'abondance, c'est l'abondance. Oh, c'est l'abondance, c'est l'abondance. Le Made in China dans le supermarché. Milliards de poulets congelés dans les congélateurs. Milliards de grains de sable dans la machine infernale. Milliards de milliardaires pour nous dans l'atmosphère. C'est l'abondance. Oh, c'est l'abondance. C'est l'abondance. D'été. Milliards de caresses dans la grange abandonnée. Milliards de lucioles dans ton crâne de cristal. Milliards de milliardaires pour nous dans l'atmosphère. Ouais, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Oh, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Comme la Légion aime le légionnaire. comme le château de sable aime la mer. Aime-toi comme le taureau aime la corrida. Aime-moi comme le soleil aime le ciel. Si tu m'aimes, je t'aime aussi. Oh, aime-moi aujourd'hui. Aime-toi comme les bijoux de la Castafiore. Aime-moi comme les impôts aiment le trésor. Aime-toi comme Jean Cocteau aime Jean Marais. Aime-moi comme le soleil aime la mer. Si tu m'aimes, je t'aime aussi. L'argent, tout de suite maintenant. Donne-moi l'argent, c'est pour maman. Donne-moi l'argent, tout de suite maintenant. Donne-moi l'argent, c'est pour maman. C'est pour maman. Samedi au Galaxy, c'est moi le roi disco. Elle a des beaux bijoux, elle a beaucoup trop bu. 20 ans de plus au moins, c'est bon pour le business. Parking du Galaxy, un baiser et basta. Donne-moi l'argent, tout de suite maintenant. Donne-moi l'argent, c'est pour maman. Donne-moi l'argent, tout de suite maintenant. Donne-moi pour maman. C'est pour maman. C'est pour maman. Ne sois pas si pressé. Réponds la créature. Efface le rouge à lèvres. Et monte dans ma voiture. Je veux te donner tout ce que ta maman n'a pas. Laisse-moi défroisser ton joli cœur glacé. Donne-moi l'amour, tout de suite maintenant. Donne-moi l'amour, pas pour maman. Donne-moi l'amour, tout de suite maintenant. Donne-moi l'amour, pas pour maman. Donne-moi l'amour. C'est plus prison, maman a décroché. Dans la villa je tourne des pornos pour le net. La vie, l'amour, l'argent, ensemble tout, tout est possible. Donne-moi l'argent, tout de suite maintenant. Donne-moi l'amour, pas pour maman. Donne-moi l'argent, tout de suite maintenant. Donne-moi l'amour, pas pour maman. Donne-moi l'argent. Arthur H. avec Mon nom est Kevin B. précédé de Si tu m'aimes et de L'abondance. Les trois premières pièces de son nouvel album L'homme du monde. Arthur H. de son vrai nom Arthur Higelin est un musicien et chanteur français né à Paris en mars 66. Avec sa voix grave, facilement reconnaissable et un répertoire jazz, il compose de nombreux albums en solo ou avec le Bashibouzouk Band. Il n'a que 24 ans quand son premier disque sort, Arthur H. en 90. En 92, il monte sous son cabaret sous chapiteau Magic Mirrors. En 2001, il participe au spectacle Cabaret Imprudent avec le cirque K.K.A. et le fils de Jacques Higelin et de Nicole Courtois, la chanteuse Maya Barsonnier et sa demi-sœur. Merci Wikipédia pour ces belles informations. On a porté de feuilles. C'est rare qu'on soit pas de feuilles avec un artiste d'un nom aussi connu que Arthur H. Mais bon, que voulez-vous? Il est assez connu qu'il n'a pas vraiment besoin de chance, mais quand même, Arthur H., son album s'appelle L'Homme du Monde. Un groupe un peu moins connu, à peine un petit peu moins connu, c'est leur premier album pour Wanani. Leur album s'appelle Vote Ethnique. On va l'entendre, les trois pièces qui ouvrent cet album. Toi qui... Pardon, je recommence. C'est écrit de façon assez bizarre. Toi qui mets au hasard de toi-même... La pièce Ragabécois, et on commence avec Vote ethnique Québec métis. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et le présent à ceux qui sont pas couchés, dit un proverbe wananien. Wanani.com, c'est leur site web et on va lire leur biographie assez étrange dans quelques minutes, juste après les trois pièces. Dans le poste d'écoute, parce qu'on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Au 89.1 FM, c'est fou.ca. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent? Puis des votes ethniques, votes ethniques, votes ethniques, votes ethniques, votes ethniques, votes ethniques. Je fina musolu bala son kalma jige wow je toy lol ma fala fina musolu bala ne yom je bol ki wow yay boy yam fala fina musolu bala na jigen fonku na jigen wolu na jigen quebec net jige jige Et le présent à ceux qui sont pas couchés. Moi je peux pas rester des semaines sans appeler ma mère et lui demander comment elle va. Yeah, si elle a besoin de l'argent, je lui envoie. Parce que c'est ma mère, ouais, c'est elle qui m'a mis dans le monde. Donc je vais lui donner tout ce que je peux, ouais, si je l'ai. Mais malheureusement Dieu n'a pas fait cela là. Ouais, j'ai pas de calice de sel. Poste d'écoute. Ah, ça me bouge. Ah, pas grave. Ah. One more, my eye. What do you want, do we love? Some of my season, what you get from my way. Mariolée avec tes rabots, couleur de perroquet bizarre, du d'arc-en-ciel et de blason, tempête de miel et de feu émoué, braqué par les cœurs tonnants et chevauchés, par le brouhaha des sens, par le brouhaha, par le brouhaha, par le brouhaha. Ta poitrine d'étincelle vertige, voltige, et dans nos camps brûlent et dans nos rangs. Mon corps t'enroule de violentes délices à tes hanches et à grande embardée de chevreuils, de kayak. Le monde bascule, train qui culbute. One more, my eye, what you want, do we love? C'est moment, c'est moment to get for my way, go. Magie, coteuse, magie, boyeuse, magie, coteuse, magie, boyeuse, magie. Mon à côté, magie, un homme de belle accord, magie. À côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté, à côté. Manger brocoli. Quand tu m'aimais, on pense à deux. devine direct. Donc en vivant, c'est genre avec ce fameux ragabécois. One champignon enemy with the ego. We goes all around the world and coming on back home to Lac Saint Jean. Jean-Jean, c'est mon nom, le Lac Saint-Jean. Jean-Jean, c'est mon pays, le Lac Saint-Jean. Jean, c'est le paradis, j'ai dit paradis. Jean-Jean, c'est mon nom, le Lac Saint-Jean. Jean-Jean, c'est mon pays, le Lac Saint-Jean. Jean, c'est le paradis, j'ai dit paradis. Agogurra, gagana, tout ou à tourtière. Able, ça c'est bon. Légalisons la marijuana niche. Marijuanini, wanani nana. Wanina nina nina nana nish. Wanina nina nina wanina nina nina wanina nina nina nana nish. Legalizons la marijuana nish. Meta bechwana chapon chwana mistassini. Mesh tou yach pi kwa gami, ça c'est le paradis. Le Lac Saint-Jean, c'est un vrai paradis. C'est la piscine creusée, la mieux réussie. Le Lac Saint-Jean. Jean-Jean, c'est mon pays, le Lac Saint-Jean. Jean, c'est le paradis, j'ai dit paradis. Jean-Jean, c'est mon nom, le Lac Saint-Jean. Jean-Jean, c'est mon pays, le Lac Saint-Jean. Jean, c'est le paradis, j'ai dit paradis. Jean, je suis celui qui, après avoir été négligent, devient vigilant comme la lune émerge. Jean, et je me trouve tellement intelligent. Ben non, t'es pas si intelligent. Puis t'es encore ben ben négligent. Sans oublier quand t'es dérangeant. Des fois t'es vraiment décourageant. Le Lac Saint-Jean, c'est un vrai paradis. C'est la piscine creusée, la mieux réussie. Le Lac Saint-Jean, c'est un vrai paradis. C'est la piscine creusée, la mieux réussie. Oh, Jean, he's taking a shower. He's running all the hot water and there's no power. Because he's on his computer all day long. He's on the phone talking cause I gotta make a quick call. Attends, just give me a minute. Give me one little second to make this call. Gotta call my lady in the Congo. Gotta call my lady back in. If I'm like this, I got what? Jean-Jean, c'est mon nom, le Lac Saint-Jean. Jean-Jean, c'est mon pays, le Lac Saint-Jean. Jean, c'est le paradis, j'ai dit paradis. Champignon, machine. Champignon, magique. Jean-Jean, c'est mon nom, le Lac Saint-Jean. Jean-Jean, c'est mon pays, le Lac Saint-Jean. Jean, c'est le paradis, j'ai dit paradis. One Annie avec l'album Vote Ethnique, oui, One Annie. On vient d'entendre la pièce Lac Saint-Jean Pignon Magique. C'était précédé de Ragabécois, une petite intro de pièce. Avant ça, c'était Toi qui mets au hasard de toi-même et le Vote Ethnique Québec Métis. Oneani.com, O-U-A-N-A-N-I. Compte en commun une capote en peau de castor, Jacques Parizeau, un joueur de tap-tam sénégalais et le Lac Saint-Jean. Ils font tous partie de l'univers de Oneani, un collectif jouissif et festif qui lance son premier CD Vote Ethnique, amalgame bariolé et dansant de chansons qui métissent le Québec, l'Afrique, les Antilles et l'Amérique latine, dit le document de presse. Ouvrant le CD avec une voix africaine et un échantillonnage de Jacques Parizeau le soir du référendum de 95, Oneani s'adresse au 21e siècle avec son programme poélétique, le métissage. Pratiquant effréné de la diversité culturelle et chantre des identités multiples, Jean Arsenault, originaire du Lac Saint-Jean, a réuni 58 artistes d'horizons multiformes, dont le joueur de tam-tam sénébécois Sadio Sissoko, le réalisateur italo-québécois Stefano Pando et la chanteuse cubaine Yussi Barbara Ruiz. Sur des airs festifs, Oneani aborde des thèmes aussi éclatés que l'immigration, le racisme, le suicide, l'amour, la séduction et la capote en peau de castor, un produit exclusif de la Oneani. En plus de ses compositions originales, le groupe se permet quelques emprunts chez les auteurs et les poètes, Gaston Miron, Zoé Valdez, Saint-Mathieu et dans la musique traditionnelle. Aucun arbre n'a été tué pour faire le livret exhaustif de 44 pages en papier recyclé et encre végétale qui contient tous les textes des chansons, y compris la traduction des pièces chantées en Wolof, Kasunke, créole haïtien et espagnol. Le premier extrait, Lac Saint-Champignon Magique, a déjà connu un immense succès au Lac Saint-Jean, détrônant même Grégory Charles du hit parade de cette région. En spectacle au Festival de la chanson de Tadoussac les 12, 13 et 14 juin, donc il reste aujourd'hui et demain si vous écoutez le vendredi, et sur la scène interculturelle des Francopholies de Montréal le 30 juillet prochain. Pour plus d'informations sur Wanani, visitez le www.wanani.com ou visitez le unechance.com, le site de l'émission, pour retrouver le lien unechance.com. Wanani, l'album s'appelle Vote ethnique et d'ailleurs... sur le texte que je viens de lire, ça parle d'encre végétale et de papier recyclé. La première chose que je me suis dit en voyant l'album, c'est 1. C'est très joli. Et 2. Ça sent vraiment pas comme un album normal. Mais je trouve ça bien. Je trouve l'idée excellente. Ça devrait arriver beaucoup plus souvent. Wanani, donc on encourage Wanani. On a terminé le bout spécial francophone. Là, on fait du francophone depuis presque le début de l'émission, sauf peut-être 2 ou 3 albums en début d'émission. On va continuer avec de l'anglophone maintenant. Le prochain album, c'est de l'alternatif. C'est Rob Dickinson avec son album Fresh Wine for the Horses. On s'en va entendre. En passant, c'est un album double. Oui, album double. Question sur le deuxième, ça dit pas grand-chose à part des noms de pièces, ça dit nude. Peut-être, c'est peut-être de l'acoustique. Donc, My Name is Love, je vous rappelle qu'on découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Et la preuve, c'est que c'est quoi ça? Rob Dickinson? My name is love. can see you and I, a Valentine's for all we know. As far as I can see, you already bear the scars of love. These are the loaded words spoken in coded terms, if spoken at all. I'm outside your tower, baby, I can set you free. What's it gonna take to make you love me? I'll do all that's necessary, tell me what you need. What's it gonna take to make you love me? Flowers on flowers, love and devotion. But I'm not sure it's all you're after. As far as I can tell, you're still running from the arms of love. What's it gonna take to make you love me? I'll do all that's necessary, tell me what you need. What's it gonna take to make you love me? Flowers on flowers, love and devotion. Like the ocean. Ocean's a perfect word, spoken in perfect terms, spoken at all. I'm outside your tower, baby, I can set you. What's it gonna take to make you love me? I'll do all that's necessary, tell me what you need. What's it gonna take to make you love me? Le poste d'écoute. Paradise, but there you go again. best of ways, living day after day like some primal animals, and we would love again under glorious suns with the freedom that comes from the truth. Long Rob Dickinson avec Beth Away, précédé de The End of the World, Oceans et My Name is Love. C'est les quatre premières pièces qui ouvrent son nouvel album Fresh Wine for the Horses. Rob Dickinson, album double, de CD. Il vient du Royaume-Uni, c'est de l'alternatif indie rock. RobDickinson.com ou MySpace.com/RobDickinson. Il est en Ontario en ce moment pour des spectacles les 17 et 18 juin. Ensuite, il va être le 20 à New York, Massachusetts ensuite, New York et Pennsylvanie. Hein? Ben, petite tournée pour lui, Rob Dickinson. L'album, encore une fois, c'est Fresh Wine for the Horses et c'est tout nouveau. On l'a reçu cette semaine, assez fou. C'est déjà presque la fin de l'émission. Il nous reste à peine assez de temps pour un dernier album. C'est celui de Axis Gallery. Il s'appelle Disturbing Behavior. MySpace.com/AxisGallery ou AxisGallery.co.uk. Ça sort le 24 juin. Et tout de suite, voici l'introduction au De La Garenne, suivi de Driving Me Insane dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois, tous ensemble. www.unechance.com. Axis Gallery avec Driving Me Insane, précédé de l'intro de leur album Disturbing Behavior, ici dans le poste d'écoute. Axis Gallery qui vient de Somerset sur la côte ouest de l'Angleterre. Leur personnel est international et il y a un DJ local MCNC, son partenaire en écriture Paolo Baldini qui l'a rencontré à Florence en 93. Il y a aussi princesse Anya Katrina Legaleone qui vit à Lausanne en Suisse et qui fait la voix et les percussions. Les Disco Slots de Corsica qui donnent la voix masculine et Kieran Mad Dog McTuff, un guitariste écossais. Disturbing Behavior est leur troisième album. C'est de la musique de club rockante, qui utilise un petit peu de rock, avec aussi des références classiques et ethniques. Leur album est disponible sur iTunes, Napster et d'autres sites. AccessGallery.co.uk ou myspace.com/AccessGallery pour en savoir plus et pour écouter leur musique. C'est déjà la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Quelques affaires que j'ai aimées aujourd'hui, dont The Orchid Highway. Il y a aussi eu... qu'est-ce qu'il y a eu? Les Pistes de la Rose, même pas mauvais. Arthur Ashe, Wanani pour leur pochette. Surtout Rob Dickinson, qu'on a joué il y a quelques minutes, que j'ai bien aimé. Mais je dirais que mon poste d'or cette semaine, c'est les Prototypes avec leur album Synthétique. On va les entendre à nouveau ici sur les ondes de C'est Fou. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine en direct les vendredis matin à 10h. On est en rediffusion cette semaine seulement le lundi à 17h. Rediffusion du samedi qui sera de retour la semaine suivante. Je vous retrouve aussi à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les mardis à 11h. Et dans les Palmarès, c'est fou les vendredis soirs à 17h. On se quitte avec une dernière pièce de Axis Gallery, c'est Every Time. Et d'ici à la semaine prochaine, faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Bye bye tout le monde, bye bye. Every time I think of you, I believe my dreams come true. Move your body.